Chapitre 10. Il n'était personne à la poivrière qui ne connût, au moins de vue, le juge d'instruction qui arrivait, et Gévrol, vieil habitué du palais de justice, murmura son nom. Monsieur Maurice d'Escorval. Il était fils de ce fameux baron d'Escorval qui, en 1815, faillit payer de sa vie son dévouement à l'Empire, et dont Napoléon, à Sainte-Hélène, faisait ce magnifique éloge. Il existe, je le crois, des hommes aussi honnêtes. Mais plus honnêtes, non, ce n'est pas possible. Entré jeune dans la magistrature, doué de remarquables attitudes, M. d'Escorval semblait promis aux plus hautes destinées. Il trompa les pronostics en refusant obstinément toutes les situations qui lui furent offertes pour conserver, près du tribunal de la Seine, ses modestes et utiles fonctions. Il disait, pour expliquer ses refus, qu'il tenait au séjour de Paris plus qu'à l'avancement le plus envié, et on ne comprenait pas trop cette passion de sa part. Malgré ses brillantes relations, en effet, et en dépit de sa fortune très considérable depuis la mort d'un frère aîné, il menait l'existence la plus retirée, cachant sa vie, ne se révélant que par son travail obstiné et par le bien qu'il répandait autour de lui. C'était alors un homme de 42 ans, qui paraissait plus jeune que son âge, encore que son front commençât à se dégarnir. On eût admiré sa physionomie sans l'inquiétude immobilité qui la déparait, sans le pli sarcastique de ses lèvres trop minces, sans l'expression morne de ses yeux d'un bleu pâle. Dire qu'il était froid et grave eût été mal dire, et trop peu. Il était la gravité et la froideur même, avec une nuance de hauteur. Saisi dès le seuil du cabaret par l'horreur du spectacle, c'est à peine si M. d'Escorval accorda au médecin et au commissaire un salut distrait. Les autres ne comptaient pas pour lui. Déjà, toutes ses facultés étaient en jeu. Il étudiait le terrain, arrêtant son regard aux moindres objets, avec une sagacité attentive du juge qui sait le poids d'un détail et qui comprend l'éloquence des circonstances extérieures. « C'est grave, » dit-il enfin. « Bien grave. » Le commissaire de police, pour toute réponse, leva les bras au ciel, geste qui traduisait bien sa pensée. « À qui le dites-vous ? » Le fait est que, depuis 2 heures, le digne commissaire trouvait cruellement lourde sa responsabilité et qu'il bénissait le magistrat qui l'en déchargeait. « Monsieur le procureur impérial n'a pu m'accompagner, » reprit M. d'Escorval. « Il n'a pas le don d'ubiquité, et je doute qu'il lui soit possible de venir me rejoindre. Commençons donc nos opérations. » Jusqu'ici, la curiosité des assistants était déçue. Aussi, le commissaire fut-il l'interprète du sentiment général, lorsqu'il dit « Monsieur le juge d'instruction a sans doute interrogé le coupable, et il doit savoir. » « Je ne sais rien, » interrompit M. d'Escorval, qui parut fort surpris de l'interpellation. Il s'assit sur cette réponse, et pendant que son greffier rédigeait les préliminaires de tout procès-verbal de constat, il se mit, lui, à lire le rapport écrit par Lecoq. Blotti dans l'ombre, pâle, ému, fiévreux, le jeune policier s'efforçait de surprendre, sur l'impassible visage du magistrat, un indice de ses impressions. C'était son avenir qui se décidait, qui allait dépendre d'un oui ou d'un non. Et ce n'était plus à une intelligence obtuse comme celle du père Absinthe qu'il s'adressait, mais à une perspicacité supérieure. Si encore, pensait-il, je pouvais plaider ma cause. Mais qu'est la phrase écrite comparée à la phrase parlée, mimée, vivante, palpitante de l'émotion et des convictions de qui la prononce? Bientôt il se sentit rassuré. La figure du juge d'instruction gardait son immobilité, mais il hochait de la tête en signe d'approbation, et même, par instant, un détail plus ingénieux que les autres lui arrachait une exclamation. « Pas mal, très bien. » Lorsqu'il eut achevé. « Tout ceci, dit-il enfin au commissaire, ne ressemble guère à votre rapport de ce matin, qui présentait cette ténébreuse affaire comme une bataille entre quelques misérables vagabonds. » L'observation n'était que trop juste, et le commissaire n'en était pas à regretter d'être resté chaudement au lit, s'en remettant absolument à Gévrol. « Ce matin, répondit-il évasivement, j'avais résumé les impressions premières. Elles ont été modifiées par des recherches ultérieures, de sorte que... »« Oh ! Interrompit le juge, Je ne vous fais aucun reproche. Je n'ai que des félicitations à vous adresser, au contraire. On n'agit pas mieux ni plus vite. » Toute cette information révèle une grande pénétration, et les résultats en sont surtout exposés avec une clarté et une précision rares. Lecoq eut comme un éblouissement. Le commissaire, lui, hésita une seconde. La tentation lui venait de confisquer l'éloge à son profit. S'il la repoussa, c'est qu'il était honnête, et que de plus, il ne lui déplaisait pas de faire pièce à Gévrol pour le punir de sa légèreté présomptueuse. « Je dois vous avouer, dit-il enfin, que l'honneur de cette enquête ne me revient pas. » « Dès lors, à qui l'attribuer, sinon à l'inspecteur du service de la sûreté ?» Ainsi pensa M. d'Escorval, non sans surprise, car ayant déjà employé Gévrol, il était loin de lui soupçonner l'ingéniosité, le style surtout du rapport. « C'est donc vous, lui demanda-t-il, qui avez si rondement conduit cette affaire ?»« Ma foi non, répondit l'homme de la préfecture. Je n'ai pas tant d'esprit que ça, moi. Je me contente de relever ce que je découvre, et je dis voilà. Je veux bien être pendu si toutes les imaginations de ce rapport existent ailleurs que dans la cervelle de celui qui l'a fait. Des blagues, quoi ? » Peut-être était-il de bonne foi, étant de ces gens que l'amour-propre aveugle à ce point que, les yeux crevés par l'évidence, il la nie. Cependant, insista le juge, les femmes dont voici les empreintes ont existé. Le complice qui a laissé sur un madrier ses flocons de laine est un être réel. Cette boucle d'oreille qui est un indice réel, palpable. Gévrol se tenait à quatre pour ne pas hausser les épaules. Tout cela, dit-il, s'explique sans qu'il soit besoin de chercher midi à 14 heures. Que le meurtrier est un complice, c'est possible. La présence des femmes est naturelle. Partout où il y a des filous, on rencontre des voleuses. Quant aux diamants, que prouve-t-il ? Que les coquins avaient fait un bon coup, qu'ils étaient venus ici partager le butin, et que du partage est venue la querelle. C'était une explication, et si plausible, que M. d'Escorval garda le silence, se recueillant avant de prendre une détermination. Décidément, déclara-t-il enfin, j'adopte l'hypothèse du rapport. Quel en est l'auteur ? La colère rendait Gévrol plus rouge qu'un homard. L'auteur, répondit-il, est un de mes agents que voici, un fort et adroit monsieur Lecoq. Allons, malin, approche qu'on te voie. Le jeune policier s'avança, les lèvres contractées par ce sourire de satisfaction qu'on appelle familièrement la bouche en cœur. Mon rapport n'est qu'un sommaire, monsieur, commença-t-il. Mais j'ai certaines idées. « Vous me les direz si je vous interroge, » interrompit le juge. Et sans se soucier du désappointement de Lecoq, il prit dans le portefeuille de son greffier deux imprimés qu'il remplit et qu'il tendit à Gévrol en disant « Voici deux mandats de dépôt. Faites prendre, au poste où ils sont consignés, l'inculpé et la maîtresse de ce cabaret, et qu'on les conduise à la préfecture où on les tiendra au secret. » Cet ordre donné, M. d'Escorval se retournait déjà vers les médecins, quand le jeune policier, au risque d'une rebuffade nouvelle, intervint. « Oserais-je, demanda-t-il, prier monsieur le juge de me confier cette mission ? Impossible, je puis avoir besoin de vous ici. C'est que, monsieur, j'aurais aimé, pour recueillir certains indices, une occasion qui ne se représentera pas. » Le juge d'instruction comprit peut-être les intentions du jeune agent. « Soit donc, répondit-il, mais en ce cas, vous m'attendrez à la préfecture, où je me transporterai dès que j'aurai terminé ici. Allez !» Lecoq ne se fit pas répéter la permission. Il s'empara des mandats et s'élança dehors. Il ne courait pas, il volait à travers les terrains vagues. Des fatigues de la nuit, il ne ressentait plus rien. Jamais il ne s'était senti le corps si dispos et si alerte, l'esprit si net et si lucide. Il espérait, il avait confiance. Et il eût été parfaitement heureux s'il eût eu affaire à un tout autre juge d'instruction. M. d'Escorval le gênait et le glaçait au point de paralyser ses moyens. Puis, de quel air de dédain il l'avait toisé, de quel ton impératif il lui avait imposé silence, et cela lorsqu'il venait de louer son travail. « Mais baste, se disait-il, Est-ce qu'on n'a jamais ici-bas une joie sans mélange? Et il courait.